sakiku. Les vraiment que yo pas les respecte. Est-ce que tu étais les des bras croisés quand on fait ça au pâté. Mais jamais accepter la vérité. Et son j'étais manodiné contenait. Ton Dieu ne peut pas laisser y faire. Bon Dieu, peut pas laisser y'a fait.